une salle attenante à la salle de bal dans la maison de Leonato. Entre Leonato, Antonio, son frère, Héro, sa fille, Béatrice, sa nièce et d'autres. Leonato et Antonio ont un déguisement de bal et tiennent un masque à la main. Leonato, est-ce que le comte Juan n'était pas ici au souper? Mon frère, je ne l'ai pas vu. Béatrice, quel air aigre à ce gentilhomme! Je ne puis jamais le voir sans me sentir le cœur serré pendant une heure. Héro, il est de disposition fort mélancolique. Béatrice, un homme accompli, ce serait celui qui tiendrait le milieu entre lui et Bénédicte. L'un est trop comme une image, il ne dit rien. L'autre est trop, comme le fils aîné de la maison, il bavarde toujours. Leonato, ainsi, la moitié de la langue du seigneur Bénédicte dans la bouche du comte Juan, la moitié de la tressette du comte Juan sur le visage du seigneur Bénédicte. Béatrice, de plus, une belle jambe, le pied sûr, un oncle et une bourse suffisamment garnie. Avec tout cela, un homme pourra séduire n'importe quelle femme, pourvu toutefois qu'il lui plaise. Sur ma foi, nièce, jamais tu ne trouveras de mari, si tu as la parole aussi malicieuse. Non, je ne veux pas de mari, et c'est la grâce que je demande au ciel, à genoux, matin et soir. Seigneur, je ne pourrais pas supporter un mari avec de la barbe au visage. J'aimerais mieux coucher dans la laine. Tu pourrais tomber sur un mari imberbe. Qu'en pourrais-je faire? L'habiller de mes robes et le prendre pour femme de chambre. Celui qui a de la barbe est plus qu'un jouvenceau, et celui qui n'en a pas est moins qu'un homme. Or, celui qui est plus qu'un jouvenceau n'est pas pour moi, et celui qui est moins qu'un homme, je ne suis pas pour lui. Aussi, je consens à prendre pour 12 sols toute la ménagerie des barbus et à conduire tous ces singes-là à l'enfer. Eh bien, tu auras donc un enfer? Non, seulement jusqu'à la porte. Là, le diable viendra au-devant de moi avec des cornes sur la tête, comme un vieux cocu qu'il est. Et il me dira, « Allez au ciel, Béatrice, allez au ciel, il n'y a pas de place ici pour vous autres, vierges. » Sur ce, je lui remets mes singes et je pars pour le ciel. Saint-Pierre m'indique où demeurent les célibataires, et nous vivons là, aussi gais que le jour est long. Antonio Aero. Eh bien, ma nièce, j'espère que vous, du moins, vous vous laisserez diriger par votre père. Béatrice. Oui, certes, c'est le devoir de ma cousine de faire la révérence en disant « Comme il vous plaira, mon père. » Mais néanmoins, cousine, que ce soit un beau garçon. Sinon, faites une autre révérence et dites « Mon père, comme il vous plaira. » Alors, ma nièce, j'espère bien vous voir un jour pourvu d'un mari. Non, pas avant que Dieu ait fait des hommes d'un autre métal que la terre. N'est-il pas affligeant pour une femme d'être écrasée par un tas d'insolentes poussières, de rendre compte de sa vie à une motte de méchantes marnes? Non, mon oncle, je n'y consens pas. Les fils d'Adam sont mes frères, et vraiment, je regarde comme un péché de prendre un mari dans ma famille. Leonato ou Aero, ma fille, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si le prince vous fait une proposition pareille, vous savez votre réponse. Béatrice, prenez-vous-en à la musique, cousine, si votre soupirant ne va pas en mesure. Pour peu que le prince aille trop vite, dites-lui qu'il attend pour toute chose, et cadencez bien votre réponse. Car, voyez-vous, héros, la déclaration, la noce et le repentir se suivent, comme la gigue écossaise, le menuet et le pas de cinq. La déclaration est ardente et vive, comme la gigue écossaise, et tout aussi échevelée. La noce est grave et digne, comme le menuet antique et solennel. Et alors vient le repentir, qui, avec ses mauvaises jambes, s'embrouille vite dans le pas de cinq, jusqu'à ce qu'il fasse la culpute dans le tombeau. Ma nièce, vous voyez les choses en noir. J'ai de bons yeux, mon oncle. Je puis apercevoir une église en plein jour. Voici la bande joyeuse qui arrive. Laissons-lui le champ libre.